Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Je fais des bêtises. Et les personnes que j'aime le plus le paient très cher. Grâce à toi, on a dû s'enfuir. Petite séance en retard, on vient de sortir de Ant-Man and the Wasp, avec du retard, hein, chers amis, parce qu'il y en a qui prennent des congés dans la vie. Et on va vous faire un petit topo, en fait, sur ce qu'on a pensé de ce film du MCU, qui a du mal quand même à se raccrocher à la continuité de l'univers, je trouve. Ouais, alors pour rappeler un peu les faits, c'est que le film était sorti le 18 juillet. Et pour la première fois, les films du MCU sortent toujours du mercredi et du vendredi aux États-Unis. Donc là, il était sorti début de juillet aux États-Unis et de donc sortir mercredi. Mais non, il y a un problème, c'est parce que pour cause de football, et donc il l'a reporté de 15 jours. Donc ils se pensent tout, peut-être que les programmeurs pensent que tout le monde regarde le football, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà quoi, on va dire quand même en proportion, je crois qu'il y en a plus qui regardent le foot que Star Trek Discovery. Hein. Ouais, ça c'est un comparatif qui est juste. Mais voilà un petit peu l'aparté. Donc on rappelle un peu l'histoire, c'est que Ant-Man fait suite à Civil War. Scott est donc assigné à résidence. Voilà, et apparemment, quand on va à Berlin péter des avions, on prend que 2 ans de tôle. C'est ça, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, cette espèce de... En fait, il a pas été enfermé sur l'île comme avec Falcon ou Scarlet Witch. Bah d'ailleurs, ouais, c'est bizarre, parce que moi, je pensais que... Ah, on va devoir spoiler ou sans spoiler ? Ben, le spoiler, ce sera plutôt vers la fin. Ouais, spoiler plutôt vers la fin, mais là, on spoil pas, parce que normalement, on a Captain qui sortait ses copains de tôle. Et puis, ben là, dans le trailer, on voit bien que Scott est assigné à résidence. Alors on comprend pas trop ce qu'il fout là, et dans le film, de toute façon, on s'intéresse pas trop à pourquoi il est là. Ouais, bon, il fait mumuse avec sa petite fille, puis tout d'un coup, il a une connexion avec... ça, c'est pas dévoilé dans le trailer, par contre. Donc on reviendra plutôt dans une partie spoiler. Donc il a une connexion avec une personne qui donc a... voilà, il y a un événement, une connexion qui fait que... Bah, qui va devoir reprendre du service, plus ou moins malgré lui, mais enfin, ça fait un peu prétexte à... Bah ouais, c'est un peu convenu, quoi. Ouais, c'est un peu convenu. Un peu d'envie de dire, on tire le scénario sur un plateau, quoi. Alors, sans spoiler, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On peut parler des CGI, déjà, sans spoiler. Ouais, vas-y, alors, envoie. Bon, ils sont corrects, hein. Ouais. Les CGI sont corrects. C'est vrai que c'est super bien fait au niveau de, je veux dire, des rétrécissements et des... Voilà, pas de fond vert dégueulasse comme dans Thor Ragnarok. Ou d'autres films d'ailleurs. Ou d'autres films, Dragon Ball. Il y a pas que y a le monopole du fond vert, c'est pas Thor Ragnarok. Ouais, les trucs de réduction et agrandissement sont corrects. C'est hein, super bien fait. Au niveau des scènes d'action, visuellement c'est beau, c'est réussi, surtout quand il y a une interaction entre Ant-Man et la guêpe, parce que là il aurait renommé la guêpe en France, alors que c'est Wasp en général. Bah soit tu mets Ant-Man and the Wasp. Soit tu mets l'homme fourmi et la guêpe. Ouais, mais l'homme fourmi, c'est un peu long, quoi. Tu mets pas Ant-Man and the Wasp. Ouais, enfin, de la part de Français qui disent FBI et CIA, c'est un peu paradoxal. Je sais pas si on va pas plutôt en parler dans ce spoiler, mais je pense qu'on le voit dans le trailer, bah c'est le monde microscopique, quoi, tout ce qui entoure les créatures, les microbes, quoi. De toute façon, dans le synopsis, il est marqué, hein, il parle carrément de monde quantique. Donc on peut dire, ouais, son but, c'est d'aller visiter le monde quantique. C'est ça. Donc voilà, on va pas vous dire pourquoi ils veulent aller visiter le monde quantique, mais pour ceux qui ont vu le premier, vous avez déjà compris. Quoi. Oui, et même dans la scène d'intro, c'est un peu dévoilé quand même. Hein. Ah oui, c'est complètement dévoilé dans la scène d'intro, oui, ça. Donc d'ailleurs, on peut aussi allouer aussi le rajeunissement de Michael Douglas, Michel Pfeiffer, quoi. Sans annoncer au casting, donc on va le saluer, ça se voit quand même, mais bon, voilà, c'est... Ça devient habituel maintenant, les productions Marvel. Ouais, on a par exemple eu Iron Man jeune aussi. Ouais, Tony Stark, Hank Pym, on l'a déjà vu dans le premier, ouais, qui c'est qui a été rajeuni aussi, Laurence Fishburne dans le film au moment. Mais je recherche dans les autres films qui c'est qui a été rajeuni. Ah, dans les autres films du MCU ou d'autres? Ouais, du MCU. Ah, du MCU, je vois pas trop, parce que ça m'en vient pas forcément. Ouais, il y a Tony Stark. Non, mais après, c'est pas rajeuni, mais c'est amaigri, c'est Chris Evans. Oui, tu veux dire, c'est quand il est costaud et qu'il devient tout maigre. Voilà. Ouais. Sinon, dans les autres films, t'as Leia. T'as Leia, t'as Tarkin. On avait prévenu dans un ancien podcast, ça va être dur de faire sans Star Trek pendant un épisode. Star Wars. Attention, le blasphème. C'est vrai que Disney, c'est Disney, donc c'est un peu qu'en continuité. Oui, généralement, c'est l'action, mais il y a un problème de rythme dans ce film, je trouve, parce que moi, il y a des fois, je m'ennuyais, quoi. Il y a des scènes qui sont très bavardes. Je sais pas, parce que je m'attendais à certaines scènes qui arrivent. Et après, il y a des scènes qu'on se demande pourquoi elles sont là. Quand ils essayent de faire un ressort comique, putain, c'est à l'appel. Hein. C'est-à-dire qu'ils te l'enfoncent à coup de masse, hein, le ressort comique. C'est vraiment lourd, quoi, des fois. Ouais. Surtout le personnage de Louise, quoi. Ouais, si ça avait plu aux fans dans le premier, ils en iront à faire le même, mais là, ça colle pas. Ça casse le rythme en plus à un moment. Lui, il sort trois fois la même blague. Au niveau des poursuites, faut quand même dire que. On a été spoilé par les trailers. San Francisco, c'est hyper long, quoi. Ah, mais on a été spoilé dans les trailers au niveau des poursuites. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il y a quasiment tout qui est dans le trailer. Ouais, c'est vrai que toutes les scènes d'action de San Francisco sont dans le trailer. Même la scène avec quand il arrive sous l'eau, là, avec. Voilà, ça, c'est dans le trailer aussi. Ouais. Ah, ça gâche le truc, ça, je trouve. Ah, puis il y a une scène qui m'a un peu agacé, c'est quand les mouettes, ils mangent la folle, les fourmis. Ils avaient besoin de le faire trois fois. Ah, c'est le gag de redondance que je dis, ils essayent de faire gags. Ça m'a rappelé un autre film, je sais plus. La première fois, c'est marrant, la deuxième fois, c'est bof. C'est justement un film Marvel avec Groot, quand il fait des retours entre la prison et le... Voilà, c'est les mêmes gags. Ça, c'est horrible. Bah, voilà, quoi. Avant d'attaquer la partie spoil, moi, je veux juste dire, un film sans surprise, on voit le scénario arriver de loin. C'est quand même divertissant, hein. Moi, je crache pas sur le film, j'ai passé un moment correct. C'est pas l'un des pires Marvel. Malheureusement, c'est pas l'un des meilleurs non plus. Non, moi je trouve que ça manque de rythme. Il y a de bons acteurs, ça y a pas de problème. Moi j'aime beaucoup Michael Douglas. Je trouve que même son humour passe sans rire, ça passe très bien. Bon, Paul Rudd, il est très bien aussi. Evangeline Lilly, c'est pareil. Ils ont le même personnage que dans le premier. Par contre, les vilains, moi j'ai trouvé ça complètement bidon, quoi. On va en revenir dans la partie spoil parce qu'on le voit pas du tout dans le trailer, lui. Donc, Ouais, mais on sait que c'est quand même que c'est le méchant. Donc voilà, bah je pense de toute façon. Ouais, et puis Ghost, moi le meilleur à m'agacer. On va peut-être pas avoir trop le choix, on va peut-être devoir attaquer la partie spoiler un peu plus vite que prévu, parce que sinon il n'y a pas grand chose à dire de ce film en fait. Ouais, mais est-ce que tu le recommandes déjà? Ouais, moi je peux vous le recommander. Vous attendez pas un truc de ouf, hein. Vous passerez un moment correct. Le problème c'est qu'il sera correct. J'ai pas dit vous passerez un bon moment, vous passerez un moment correct. C'est pas un truc de ouf, hein, il est oubliable. Ouais, moi je dirais que c'est assez oubliable. Le premier était bien meilleur, l'impression de neuf. Ouais, puis on le voyait moins arriver de loin, le premier. Et puis les scènes d'action, il y a un vrai suspense, que là, il n'y a plus du tout, quoi. Ouais, puis il y avait des vrais enjeux, parce que là, les enjeux, je les attends toujours. Ah, c'est quand même minimal, hein. On va commencer par le spoil, vu que... Par quoi tu veux parler, en fait? Les méchants, les... Bah, on va parler des méchants, parce qu'on y revenait. Alors, quand tu veux arnaquer quelqu'un, tu ramènes pas la machine avec, tu l'arnaques tout court, quoi. Parce que quand il veut arnaquer Janet Van Dyne, qui lui prend son pognon et qui veut pas lui donner la machine. Je veux dire hop. Oh, c'est pareil, Sophie. Non, c'est pas pareil. Et en fait, il veut l'arnaquer, il prend son pognon, mais il a la devise avec lui. Ouais. Donc le mec, il sait que c'est Van Dyne, il sait que Scott c'était Ant-Man et que Hank Pym il savait faire le costume d'Ant-Man, mais il se méfie pas, il se dit pas il va me péter la gueule en s'enfermant en guêpe. C'est complètement ridicule, parce que t'aurais un super-héros en face de toi, est-ce que tu vas t'amuser à bluffer avec? Non, je blufferais pas, et puis si j'avais une machine à lui revendre, je ramène une fausse machine, comme ça il se fait arnaquer. Un truc bidon, quoi. Un truc bidon. Mais là, non. Facilité scénaristique. De toute façon, les méchants, ils sont bêtes là-dedans, c'est incroyable, quoi. On dirait les méchants russes qu'il y avait dans Ghost Rider 2, de toute façon. C'est du même acabit. Avec Christophe Lambert, d'ailleurs. Faudrait que tu le revoies, parce qu'il y a Christophe Lambert dans ce film-là. Ouais, ce film, à part de toute façon, Ghost Rider, on va faire un spécial nanar, tu vas devoir revoir les deux. Non, c'est pas un nanar, c'est au-delà du nanar. Par-delà le nanar. Donc, comme je disais, des méchants hyper bêtes, qui tirent à travers tout, avec la rapport à travers le lustre, à travers les carreaux, et puis, une scène assez bien chorégraphiée qu'on avait déjà vue dans les extraits, dans les trailers, d'ailleurs. Ouais, on est spoilé par le trailer. Ah, mais complètement, je trouve que c'est hyper lourd, quoi. Toutes les bonnes scènes du film sont dans le trailer. Surtout les scènes de Wasp, j'ai l'impression. Ouais. Bah, y a Hank Pym avec tous ces espèces de jouets, là, la Hot Wheels et machin. Ah ben, si on n'a pas compris que c'est sponsorisé par Mattel, vous avez raté le film. Ah oui, complètement. Il n'y a pas que Hot Wheels, il y a Pez aussi. Ça, c'est la scène culte qui devait pas apparaître dans le trailer, mais bon. Avec le Hello Kitty. Oui, oui. Sinon, c'est vrai que quand j'y repense, il y a beaucoup de scènes d'action qui sont pas vraiment des surprises, quoi, dans ce film. Bah, le rythme, il est pas régulier, déjà. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu t'ennuies quand même un peu. Et puis, sinon, les scènes d'action, sont bien, hein, mais il y a rien de neuf, quoi. C'est dur à nous servir du neuf, quoi. Non, puis je t'ai dit, moi, il y a beaucoup de redondance. Puis les enjeux sont pas géniaux, hein. Pour toi, c'est quoi les enjeux du film, en fait? Ben, en gros, même s'ils arrivent pas à ramener Janet, là, elle sera guérie, c'est tout. Si elle arrive pas assez fin, elle va mourir, mais ça changera pas le monde, quoi, le Ghost. Ouais, y a pas d'enjeu planétaire, tu veux dire. Non, et puis l'autre, il veut juste racheter la technologie Pym pour faire une source d'énergie à revendre, quoi. C'est pas génial comme enjeu, quoi. Hein, jamais un moment tu te dis s'ils échouent, c'est la fin du monde. Non, tu te dis s'ils échouent, ça reste local, quoi. Ça reste local. Ouais, on s'en fout un peu, quoi. Ouais, puis il y a la séquence. Moi, c'est la séquence que j'ai préférée, c'est la séquence aventure intérieure, quoi, avec les tardigrades et l'espèce de monde à la Doctor Strange. Ouais, avec les tardigrades à la Star Trek Discovery. Mais c'est vrai qu'il y a des images de Strange dedans. Hein. Ouais. Pas du Docteur Strange, hein, du film. C'est un peu psychédélique des fois, et il y a des espèces de, comment on dit, des vectoriels, je sais plus l'expression. Des kaléidoscopes un peu. Ouais, quelque chose comme ça. Donc quand il passe de l'état normal à vraiment c'est la division subatomique, je sais plus la dimension subatomique. Bah c'est même la dimension quantique à un moment. Ouais, Le vide quantique à traverser. Ça. Et puis il y a quand même pas mal de plongées un peu à la Star Trek, quoi, moteur distorsion. Ouais, il y a des plongées, on va dire, au niveau subatomique, après au niveau moléculaire, après au niveau quantique, il y a des paliers. Ce qui est un peu dommage, c'est que le personnage de Michel Pfeiffer, il est un peu secondaire, quoi, alors qu'ils auraient pu l'exploiter, quoi. Puis c'est le Deus Ex Machina de la fin. Ouais, c'est quoi. Ça, ouais. Oh, je vais te soigner, ma petite. Allez, on va aller chercher des particules. Ouais, je sais pas d'où ça vient, ta gueule, c'est magique. Est-ce qu'on peut... on parlait des méchants, on parlait des spéciaux. T'as d'autres choses Ouais, moi, je veux dire que, même Ghost, elle est déphasée quantiquement. Ouais. Comme c'est pratique, et puis elle veut récupérer le labo pour se refaser et arrêter de souffrir, quoi. Et puis Laurence Fishburne en Bill Foster, rien à voir avec Jane Foster d'ailleurs. Non, mais Bill Foster, il faut se rappeler que quand il parle du projet Goliath, en fait, c'est que il y a eu un personnage noir qui s'appelait Goliath et qui grandissait. Ouais, c'est tout. Ouais. Donc il est devenu Giant-Man dans le comics. Donc c'est ça le gros clin d'œil de Bill Foster. Mais sinon, même lui, on le voit arriver de loin, qu'il est en rapport avec la nénette, quoi. Ouais, c'est pas surprenant. Non, il n'y a pas de surprise dans ce film. Le seul truc un peu surprenant, on va dire, c'est... en fait, il n'y a rien. En fait, ça nous laisse pas un souvenir impérissable, je trouve. J'ai déjà oublié pas mal de scènes, j'ai l'impression. C'est un film d'action. C'est un peu comme si Thanos avait claqué des doigts et puis... On a perdu la moitié de nos souvenirs. Donc en fait, c'est un film d'action, mais sans plus, quoi. C'est un film d'action. C'est dans le formatage Marvel classique, quoi. C'est un film d'action Marvel familial, c'est tout. Ouais. C'est ça, c'est léger, mais il y a plus ce côté innovant qu'il y avait dans le premier, quoi. Ouais, puis dans les trucs qui vont pas, je pense que tu veux aussi parler de ce fameux costume. Bah oui, un nouveau costume qui est soi-disant perfectionné et que Hank Pym devait améliorer. Plusieurs fois, Scott tombe en panne, il se miniaturise à la taille d'un nain. Et ça nous vaut quelques scènes assez réjouissantes, dont une qui, où Michael Douglas se plaît à troller Scott. Et même Hop aussi dans son genre. Et puis ce costume n'arrête pas d'être défaillant. Tantôt il est petit, tantôt il est énorme. Il y a des gags, mais je trouve que ce costume, c'est des défaillances du costume. Ça donne lieu à trop de gags qui sont hyper téléphonés, qui sont lourds. Et quoi. Enfin, je sais pas ton impression de ce côté-là, mais... Je suis d'accord avec toi, puis ça fait très Iron Man 3, le costume déconne à fond aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà, soit l'armure de Stark déconne à fond, ouais, là c'est le costume qui déconne à fond. Et j'ai trouvé que les gars étaient similaires, quoi, entre Iron Man 3 et Ant-Man. Surtout que moi je trouve qu'il est quand même assez négligent, parce que c'est quand même dans un truc comme ça, tu fais ça déconne une fois, faut pas que ça redéconne, parce que si tu te retrouves dans des situations, en plus on voit quand il démonte la ceinture, une espèce de composant électronique, tu vois. Moi j'ai pas l'impression que c'est un peu de la camelote, comme Made in China, quoi, à la rigueur. Ouais, puis celui à Janet marche bien, mais alors le sien il marche pas du tout. C'est bizarre, quoi. Celui de Hop, tu veux dire. Putain, moi j'ai du mal avec Janet et Hop. Hein. Je suis trop fan de Heart Mighty Hero. Donc celui de la guêpe marche bien. La guêpe, ouais. Ouais, impeccable, nickel, tout va bien. Puis l'autre, démerde quoi. Et l'autre, ça marche pas. Il est censé être plus performant son nouveau costume, alors que c'est l'ancien qui est quand même... Il n'y a jamais eu de problème avec l'ancien. Ouais, c'est un peu facile, quoi. C'est pour... on a des problèmes avec le costume. Ça fait encore un truc supplémentaire pour grappiller quelques minutes, quoi. Ouais, puis pour essayer de grappiller quelques gags, et encore une fois, qui un font pas lourd, mouche quoi. Instantanément. Quoi. Mmh. Quand il essaie, par exemple, d'attraper l'autre, il se barre dans un couloir, dans une rue. Puis il dit, je vais t'attraper. Mais ça, je l'ai vu arriver de loin. Quand il y a ce géant qui essaie d'attraper le méchant, et puis, j'y arrive pas, il y a des poutrelles en métal. Voilà. Et puis, aussi dans l'eau. Bon, elle est peut-être pas trop mal, cette scène. Hein. Tu dis, et Godzilla arrive... ça fait un peu kaiju, quoi. Ouais. Mais ça fait carrément ça. Il arrive, on n'a pas parlé de ces agents du FBI complètement ridicules, quoi. C'est vrai que le chinois, là, l'espèce de chinois, là. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec. C'est l'agent du FBI un peu à la Coulson au début, quoi. Il est pas très malin, pas plus que ça. Coulson est quand même plus vif, hein. Au début, il est pas vif. L'autre, on voit vraiment que c'est une caricature d'agent fédéral, hein. Ouais, vraiment la caricature du mec du FBI qui sort pas de son bureau et quand il sort de son bureau, il fait de la merde. Puis sérieux le mec, hein, il va sur des sites de magie pendant ses heures de travail. Encore une fois, des gars qui tombent à l'eau. Ouais, c'est ça. C'est des personnages inutiles pour moi. C'est des rajouts et ça marche pas. Ouais, puis bon, si on parle de la scène pas générique. Alors laquelle, la première ou la deuxième? Bah, la première, c'est la scène post-générique, donc juste après le mini-générique de fin. Donc ils vont chercher des particules pour soigner Ava, puis aussi parce que ça leur fait de l'énergie, donc des particules dans le monde quantique. Donc Scott y va, parce qu'apparemment il n'y a plus besoin de vaisseau. Hein. Mmh. Puis à un moment où il prend les particules, les trois autres sont bousillés par Thanos. Quoi. Ouais, ils partent en fumée. Quoi. Ouais, ils partent en fumée. En cendres. Donc quand tu lances ce genre d'opération, t'essayes de pas vérifier qu'il y a un super vilain, qui a un vaisseau spatial de la taille d'une ville, qui est en train d'atterrir à New York, qui est en train de se battre avec les Avengers, tu vas pas faire de l'exploration quantique. Non, c'est vrai. Puis bon, de toute façon, ça a protégé Scott, apparemment, le fait de la dimension subatomique. Donc, pour cette scène-là... Cette scène-là, c'est juste pour... Vraiment qu'elle a été faite à l'arrache. Non, c'est vraiment pour nous dire il y a des vortex temporels. C'est juste pour nous dire ça. Pour ramener le scénario du 4, quoi. Voilà, pour ramener le scénario d'Avengers 4, où apparemment Ant-Man aura un rôle principal. Ah, Ant-Man, il y a un rôle prépondérant. Stark, il va peut-être bosser que Stark, alors. Pour l'instant, c'est des suppositions, quoi, des théories. Ouais. Moi, je trouve que cette scène là, elle sert juste à ça. À l'arrache, quoi. Et après, la deuxième scène post-générique, partait avant, hein, c'est juste une fourmi qui joue de la batterie. Ouais, puis de toute façon, moi, j'ai plus vraiment l'intérêt de rester jusqu'au bout du générique. Surtout depuis que j'ai vu celle de Captain America, qui m'a refroidi, mais bon. Ouais, dans Spider-Man Homecoming, quoi. C'est bien d'être resté jusqu'au bout, la patience est une vertu. Oh, le troll. D'habitude, c'est nous qui trollons comme ça. Mais là, on a été trollés comme il faut. Hein. Donc là, c'est pas la peine de rester jusqu'au bout. Ouais. Hein. Puis de toute façon, vous la verrez sur YouTube. De toute façon, même la fourmi, on le voit jouer de la batterie. Oui, en fait, j'ai l'impression que c'est une répétition même. Ouais, puis après, il y a le comique de répétition. Le côté fourmi, avec les fourmis. Donc ce film-là, voilà, c'est ça. C'est un film d'action, il y a du comique de répétition, mais qui fait pas mouche. Hein. Mm. De la part d'Ant-Man, ça fait pas mouche. Bah, de la part des autres personnages non plus, je trouve qu'ils sont tous balourds. Hein. Non, ils sont tous. Quand ça veut faire un gag, c'est raté. En général, ça tombe à l'eau, ouais. Ouais, la séquence des fourmis est pas mal faite. Elles ont toutes une tâche particulière. Non, la séquence des fourmis est pas terrible. Hein, je veux dire, dans le premier, les fourmis, elles avaient vraiment un rôle prépondérant. Oui, quand c'était des héros de film. Avec Yellow, comment il s'appelle lui, avec Yellow Jacket. Yellow Jacket, ouais. Là, dans ce film-là, les fourmis, c'est les ouvriers, quoi. Puis il y avait un vrai enjeu dans le premier, quoi. Même si le vilain était pas super extra, il y avait vraiment une opposition entre le mentor et son élève, quoi. Bon, finalement, c'est bien qu'il soit sorti après Avengers Infinity War. Même si chronologiquement, on doit le situer avant. Après, moi, si je devais le comparer à un plat, Avengers Infinity War, c'est un bon plat bien costaud. Ouais. Et là, c'est même pas un digestif, Ant-Man. C'est une cacahuète. Ouais. C'est un peu rapide, mais il n'y a pas plus à dire. Ouais. Donc, j'ai un peu du mal à me souvenir d'une scène marquante où. Un caméo de Stan Lee. On peut peut-être en parler. Oui, alors deux mots sur le caméo de Stan Lee, qui est quand même plus voyant que dans Deadpool. Voilà, il se fait réduire sa bagnole et il dit j'ai pris trop de substances pendant les années 60. On sait que Stan Lee serait drogué, c'était pas une raison pour faire un gueule dessus. D'ailleurs, il était malade il y a pas très longtemps. Mais c'est un caméo bien voyant celui-là. Bah, il est bien voyant. De toute façon, je vais juste. Mais il arrive tard dans le film, hein, quand même. Moi, je vais juste voir les films de Stan Lee quand je vais au MCU. y a pas grand-chose d'autre à dire. Non, j'ai... On peut peut-être partir sur la théorie sur Avengers 4. On sait qu'apparemment, ça va être des voyages temporels et que la réalité Thanos va être effacée. Voyage temporel, moi, je veux bien, mais il y a un énorme problème dans Avengers, c'est pourquoi Strange lui donne le pouvoir du voyage dans le temps, la pierre du temps. C'est complètement débile. C'est logique. Ça faisait quand même pas mal de temps que le film y tournait, fallait qu'il récupère la pierre. Donc ils se sont dit, on va lui donner maintenant. Quand même, si on revient sur Avengers Infinity War, il y a quand même pas mal d'incohérences. Mais même dans Ant-Man, il y a quand même pas mal d'incohérences aussi. Donc ouais. C'est vrai qu'il y a des moments, ça fait vraiment le fameux « ta gueule, c'est magique ». On raccroche le wagon, quoi. Même quand on arrive à transporter un immeuble de 100 000 tonnes. Oui, c'est vrai que ça normalement, aussi... ils sont censés garder le poids, mais bon, ça dans le premier... Ah, ils sont censés garder le poids. Parce que dans le premier, il dit bien que Ant-Man garde son même poids, sa même force physique, etc. Mais quand il se promène avec un tank en porte-clés, c'est pas plus lourd que ça. Donc ça voudrait dire que la boîte Hot Wheels, elle doit peser plusieurs tonnes, alors. Ouais, plusieurs tonnes, mais alors le labo aussi, quoi, vu que c'est un immeuble. Oui, le labo, c'est encore pire, mais... Mais bon, c'est des petits écarts, ça fait un peu... on va pas s'attarder là-dessus, tu sais, ça fait vraiment... mais t'inquiète pas, ils vont pas le voir. Ouais, c'est vrai que c'est un peu noyé dans les scènes d'action, qui sont pas très intéressantes, et au final, est-ce que tu veux me mettre une note? Ouais, je vais quand même mettre un 2 sur 5. Moi, je serais plutôt mitigé. Oui, parce que c'est pas pire qu'un Star Wars 8, donc... on peut lui mettre nous, un maintenant, 2 maintenant, c'est notre maître étalon, c'est Star Wars 8. Si c'est en dessous, c'est encore pire. Donc, bon, allez, je vais lui mettre 1,5. En fait, je suis super déçu parce que j'avais vu une super bande-annonce. Tout est dit dans la bande-annonce. Ouais, vous avez vu la bande-annonce? Grosso modo, vous avez le trailer, il dévoile tout, il montre tout. Bon, à part la partie avec Michel Pfeiffer dans le... Mais c'est vraiment minimal, quoi. Ça arrive vraiment en dernier lieu. Bon, il y a quelques références à l'aventure intérieure, mais si vous voulez un film sur la réduction, c'est vraiment l'aventure intérieure ou le voyage fantastique qu'il faut revoir parce que ce sont de grands films. L'humour était quand même autrement plus subtil, je dirais. On va finir sur cette note. Quand le capitaine a eu besoin d'aide, si je te l'avais demandé, tu serais venu? Ça, on ne le saura jamais. Mais si j'avais été là, vous n'auriez pas été arrêté. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.